À la foire, scène 6, à la grange. Carla parle au fermier. Elle lui pose des questions au sujet de ses animaux. J'adore les animaux. Je veux devenir vétérinaire. C'est une excellente carrière. Mais les vétérinaires travaillent très fort. Et il faut étudier pendant des années. Je n'ai pas peur du travail. Et j'aime étudier. Votre vache est grande et belle. Elle a gagné la deuxième place. C'est bien, n'est-ce pas? Oui. Et mon cheval Beaumont a gagné la troisième. Il est un peu trop petit pour son âge. Oui, mais il est fort. Vous avez des lapins blancs et noirs. Ils sont si doux. Oui, j'ai 35 lapins à la ferme. Avez-vous des chiens? Oui, un vieux chien de 13 ans. Et des poules aussi? Les poules sont si comiques. Oui, des poules et des jeunes chèvres. Mais quel animal de la ferme est le plus intelligent? C'est le cheval ou la chèvre? Pas du tout. C'est le cochon. Le cochon? Mais les cochons sont si sales! Non, pas vraiment. Et les vétérinaires s'occupent des cochons aussi, vous savez. Oh là là! Des cochons! Je vais devenir vétérinaire spécialiste. Et votre spécialité? Les lapins!